Sa couleur jaune couvrait à peine le tissu des artères. Sa couronne était d'un noir brillant et abondant. Le crochet en son centre était droit et noir. Ses quatre paires de rayons étaient piquants et poilus, agités de mouvements convulsifs. Ses huit orbites étaient d'un blanc aussi terne que le teint parcheminé d'un palimpseste. La beauté du rêve s'évanouissait. L'horreur et le dégoût m'envahissaient. À cet instant, le laboratoire nageait dans une même sauce brune et l'homogénéité absolue de l'écriture de la peur expliquait aussi ses orifices glauques qu'observaient ses yeux mi-clos.